résonne dans ma tête, aussi beau qu'un poème, aussi doux qu'un je t'aime. Ton nom posé en diadème sur un ciel de guinguette brille comme une fête. Ton nom est brodé en sourire sur la voile turquoise qui vole sur mes rêves. Ton nom, ton nom. Brûle comme un soleil. Ton nom est au bout de ma route pour dissiper mes doutes et mes craintes pareilles. Ton nom, ton nom. Se dévoile et d'étoile en étoile, il s'imprègne d'amour. Ton nom chante comme un cantique au cœur de la basilique où j'attendrai que tu viennes un jour, que tu viennes.